J'ai de lumière par Fernand Lafargue. Passé perdu dans les rêveries bleues, passé léjac au mièvre, prime sautière d'esprit et frange d'allure, trop évertué à faire de la coquetterie courante par sans souci de l'opinion, d'une vivacité plus nerveuse que mignarde, d'un abandon plus provoquant que tendre, ignorante à faire douter de sa naïveté, naïve à passer pour rusée, elle étincelle de grâce et pétit de charme, avec sa taille entre les majestueuses et les gentillettes, avec l'échafaudage audacieux de son chignon qui sent le musc, la mobilité de sa bouche, l'arrogance de son nez et la perpétuelle lueur mouillée de son regard à la fois mystique et chaud. Elle est le camarade des hommes. Son teint mat d'italienne est animé par la pétulance française de ses yeux noirs. Elle n'a pas le soin de sa personne habillée, comme les autres de son sexe, celles qui ne peuvent pas être ses intimes, parce qu'avec sa libre nature, elle compromettrait leur réputation de convention, ce bill d'indemnité qui les fait se carrer dans la vertu moyenne avec l'aisance des femmes sans idée. Elle n'est pas non plus ennuyeuse, car elle laisse tomber de toute sa sautillante et remuante indifférence une agacerie qui ne déplaît pas aux jeunes gens. On la recherche, on la traite avec cette paternité blessante d'homme sérieux à jeune garçon qui s'émancipe. On rougit d'elle pour elle, mais, impassible dans le bruit que font ses adorables excentricités, elle continue à n'être pas du même monde que les jeunes filles de serre chaude, et sans le vouloir, elle fait souffrir ses amis. Pour les amis d'amitié passe encore, mais l'ami d'amour, celui dont elle est aimée, il souffre. Il pleure le soir après l'avoir quittée au milieu des marivaudages du salon. Il a contre elle une rage profonde, une fureur décuplée chaque jour par ses nouvelles étourderies, par ses continuelles libertés de parler et d'agir, par cet inutile envolement de toutes les pudeurs convenues, sourire qu'elle essaime, duo trop passionné, valse trop prolongé, colloque à mi-voix pendant qu'il regarde, navré, torturé, le cœur saignant. Il est jaloux. Elle est pourtant sa fiancée. Il lui a demandé 20 fois, par pitié, la voix suppliante, la gorge pleine de reproches contenus, de ne pas ainsi laisser traîner ce voile de la jeune fille de peur que quelque lourdeau ne le foule aux pieds. Il lui a dit que cela était inconvenant. Il s'est fâché, il a ordonné. Elle a ri. Et comme autrefois, elle est restée elle-même, le jugeant bourru, intolérant et d'un rigorisme de mauvaise mise. Alors il a commencé à douter d'elle. Son amour ébranlé évoquait le cours de la vie de sa fiancée. Il la connaissait depuis l'enfance. Il était chez elle venu d'autres habitués, et tous, après lui avoir fait une cour plus ou moins déguisée, s'étaient arrêtés sur le seuil du mariage. C'est que peut-être aucun ne s'était trouvé capable de surmonter ce doute qui naissait en lui, et qui avait dû surgir en eux, si, comme lui, ceux-là étaient des hommes de cœur envisageant dans le mariage la consécration de 2 amours par la promesse de fidélité. Eh bien, ils ne se sentaient pas plus courageux que les autres. Ils doutaient comme eux, et comme eux, il saurait se dédire. Un soir, pénétré de la douleur qu'il allait s'imposer, il aborda la jeune fille au fond d'une allée du jardin. Elle cassait des brindilles de lilas en levant le bras jusqu'aux branches basses, et la secousse faisait neiger de l'arbre une pluie odorante de pétales. En le voyant, elle parut surprise. « Tiens, vous étiez là. J'ai saisi l'occasion de vous parler seul à seul. Ce que j'ai à vous dire est grave. Véritablement, vous êtes lugubre. Il vaut mieux pour vous que je le sois maintenant que plus tard, avant le mariage qu'après. Vous n'êtes jamais bien avec ce visage. Vous êtes toujours à temps de l'éloigner de vous. Pour ne plus me voir, un mot de vous suffira. Vous n'allez même pas avoir à parler. Vous ferez un signe de la tête en réponse à une demande de moi. Si ce signe est un refus, je m'en irai. » « Demandez, » fit-elle, moitié souriante et moitié vexée. « Consentez-vous à ne plus folâtrer avec tous les hommes qui viennent chez vous ? Voulez-vous, oui ou non, devenir sérieuse ?» Elle haussa les épaules. « Vous ne m'aimez pas, » reprit-il. « Je vous aime, » affirma la jeune fille. À son tour, il eut un mouvement dédaigneux. « Vous ne saurez jamais aimer. » Puis, sa voix s'enfla d'une subite colère. « Pourquoi me faites-vous souffrir ? Est-il donc bien grand, le sacrifice que j'exige ? Est-ce pour vous un plaisir de vous faire remarquer par des légèretés inqualifiables ? Mes amis se moquent de vous, et vos compagnes vous jugent comme une effrontée. » Elle voulut rire. Ce rire se cassa dans sa gorge, et ses mains nerveuses cherchant un appui contre l'arbre, elle renversa la tête en arrière, et sa poitrine se gonfla de soubresauts. Elle resta 1 minute, les yeux blancs et vagues comme une évanouie, et des larmes remplir les orbites, s'enrouler, comme si la rosée était tombée toute la nuit sur cette tête penchée. Il s'approcha, ému, lui baisa le bout des doigts, elle retira sa main et s'enfuit sous les charmilles. 2 mois s'écoulèrent durant lesquels la jeune fille, par des efforts quotidiens, dompta sa nature pour contenter son fiancé. Il la remerciait souvent du regard. Elle éprouvait une joie délicieuse à le voir moins sombre. Mais souvent elle s'oubliait, surtout s'il n'était pas là, surveillant jaloux de son titre futur. Et le lendemain, lorsqu'il apprenait les parties de la veille, la gaieté qui avait débordé sous les arbres, la bruyante journée vécue en son absence, sa rage et sa douleur l'envahissaient, et l'âge devant son amour grandissant, il sentait qu'en épousant cette jeune écervelée, il serait malheureux pour la vie et qu'il l'épouserait néanmoins, ne fût-ce que pour la manie à son gré de tyran, ne fût-ce que pour la broyer si elle résistait encore lorsqu'il serait le maître. Il l'épousa. Ce fut dans le clan bourgeois où s'était épanouie la liberté d'allure de la jeune fille, un esclaffement sournois de plaisanteries pimentées à l'adresse du naïf qui osait se charger d'une telle brebis à garder. Personne n'osait attaquer la mariée dans sa vie antérieure. Chacun augurait mal de l'avenir réservé au mari. Lui, toujours inquiet, enivré pourtant par les tendresses exquises de sa femme, resta pendant 1 mois dans une extase d'homme heureux, dans la solitude acceptée par elle et que lui-même avait souhaitée. Puis les amis revinrent. Il crut que la lutte allait recommencer. Il surveilla sa femme, épiant ses gestes, ses regards, son maintien, sans affectation pour ne pas la blesser du soupçon. Maintenant le geste était réservé, le maintien digne, le regard pudique. Ce n'était plus la même femme. Il croyait rêver en la voyant soucieuse de ses moindres actes, judicieuse dans le choix de ses moindres mots. Un soir, après dîner, comme il causait du passé dans un accès d'amour mêlé peut-être de jalousie rétrospective, il lui demanda d'une voix où l'indulgence atteignait le reproche. « Pourquoi étais-tu comme ça autrefois ?» Et tendre, aimante, passionnément, chaste, elle lui prit la tête, déposa un baiser sur ses cheveux et répondit « C'est qu'alors, vois-tu, je ne savais pas. » Ainsi s'achève « J'ai de lumière » par Fernand Lafargue.